Chapitre 4. C'en était fait de la première agitation que les deux sœurs avaient éprouvée en se retrouvant. La vivacité de leurs premières impressions, mélangée de plaisir et de peine, était quelque peu atténuée. Nora et Magdalène, assises l'une à côté de l'autre, se tenaient par la main, chacune absorbée dans la plénitude de sa joie silencieuse. Magdalène fut la première à parler. « Vous aviez une chose à me dire, Nora ?»« J'en ai 1000, ma chérie, et vous 10 000 à me raconter. Mais vous parlez sans doute de cette seconde surprise que ma lettre vous annonçait. »« Précisément. »« Je suppose qu'elle doit me toucher de fort près. Sans cela, vous n'eussiez pas songé à la mentionner dans votre première lettre. »« Elle vous touche, en effet, de très près. » »« Vous avez sans doute entendu parler du château que possède George dans le comté d'Essex. » Le nom de St. Crux, à tout le moins, doit vous être familier. Y a-t-il là de quoi tressaillir, ma chère? Je crains bien que vous ne soyez pas encore de force à supporter des surprises nouvelles. Les forces ne me manquent point, Nora. J'ai moi aussi à vous parler de St. Crux, et de mon côté, je vous garde une surprise. Voulez-vous me conter cela maintenant? Non, pas à présent. Vous l'apprendrez quand nous serons sur le bord de la mer. Vous l'apprendrez avant que je n'accepte cette cordiale invitation qui m'ouvre le château de votre mari. Qu'est-ce que cela peut être? Pourquoi ne pas me l'expliquer tout de suite? Autrefois, Nora, vous me donniez souvent l'exemple de la patience. Ne me le donnerez-vous pas aujourd'hui? Ah, de tout mon cœur, si vous y tenez. Et maintenant, faut-il revenir à mon histoire? Oui. Eh bien, reprenons-la, sans plus tarder. Je vous disais donc que St. Crux est le château qu'habite George dans le comté d'Essex, le château que son oncle lui a légué. Sachant que Miss Garth désirait voir cette résidence, il avait laissé ordre, lorsqu'il partit pour l'étranger après la mort de l'amiral, de l'y admettre avec les amis dont elle pourrait être accompagnée, dans le cas où, pendant qu'il serait absent, elle viendrait parcourir les environs. Miss Garth et moi, ainsi qu'un certain nombre des amis de Mr. Tyrell, nous nous trouvâmes, peu après le départ de George, dans le voisinage de St. Crux. Nous avions tous été invités à voir lancer le nouveau yacht de Mr. Tyrell, dans les chantiers du constructeur, à Wivenhoe, comté d'Essex. L'opération terminée, le reste de la société s'en retourna dîner à Colchester, tandis que Miss Garth et moi, nous trouvions moyen de nous installer dans la même voiture, sans avoir personne avec nous, si ce n'est mes deux petites élèves. Le cocher reçut ses ordres et nous fit faire un détour qui nous menait à St. Crux. Les portes s'ouvrirent dès que Miss Garth se fut nommée et on nous promena successivement dans toutes les parties du château. Je ne sais vraiment trop comment le décrire. C'est le plus bizarre endroit où jamais je me sois trouvé. Passez la description, Nora. Mieux vaut continuer votre histoire. Comme vous voudrez. Mon histoire va me conduire tout droit dans une des pièces de St. Crux. Galerie presque aussi longue que votre rue et si triste d'aspect, si mal tenue, si terriblement glaciale, que son seul souvenir me fait frissonner. Miss Garth ne demandait qu'à la quitter le plus tôt possible et j'étais tout à fait de son avis. Mais la femme de charge refusa de nous laisser partir avant que nous eussions jeté un coup d'œil sur un meuble singulier, l'unique décoration de cette immense pièce. Elle l'appelait, je crois, un trépied. « Il n'y a pas là de quoi vous alarmer, Magdalène. » En somme, c'était un étrange objet, perché sur 3 longues tiges et supportant à son sommet une espèce de grand bassin rempli de cendres et de charbons éteints. Les connaisseurs, à ce que disait la femme de charge, le regardaient comme un modèle de ciselure sur métal. Et de plus, elle nous fit spécialement remarquer la beauté de certaines vignettes qui s'enroulaient à l'intérieur du bassin, portant des devises latines dont le sens était je ne sais plus quoi. Tout cela ne m'inspirait pas le moindre intérêt. Mais, pour faire plaisir à notre cicérone femelle, j'examinais de près ces merveilleuses vignettes. À parler vrai, la bonne femme m'ennuyait assez avec ses tirades répétées par cœur, lesquelles constituaient un véritable cours de ciselure. Aussi en étais-je venu, tandis qu'elle parlait, à promener mes doigts parmi ces cendres blanches, légères, douces au toucher, faisant semblant de prêter l'oreille, mais la tête à 100 lieues de ce qui m'était dit. Je ne sais depuis combien ou combien peu de temps je jouais ainsi avec ces cendres lorsque mon doigt rencontra tout à coup un morceau de papier froissé qui se trouvait assez profondément enfoui sous elle. Ramené à la surface, il se trouva que ce papier était une lettre. Une longue lettre en caractère menu et serré. « Mais voilà, Magdalène, que vous prenez les devants et que mon récit se trouve achevé pour vous. Aussi bien que moi, vous savez que ce papier, découvert par mes doigts errants au hasard, n'est autre que la mystérieuse contre-lettre. Avancez la main, cher enfant. George m'a permis de vous la montrer, et la voici. » Elle plaça la contre-lettre dans la main de sa sœur. Magdalène s'en saisit machinalement. « Et c'est vous, » disait-elle, regardant sa sœur avec un vif souvenir de tout ce qu'elle avait en vain risqué, de tout ce qu'elle avait souffert en vain à Sainte-Croix. « C'est vous qui l'avez trouvé ?»« Oui, » dit gaiement Nora. La contre-lettre a montré cette perversité naturelle à tous les objets perdus. « Cherchez-les, ils demeurent invisibles. Ne vous en occupez plus, ils se manifestent aussitôt. » « Votre avocat et vous, Magdalène, vous aviez raison tous deux en supposant que pareille découverte devait entraîner en votre faveur les conséquences les plus essentielles. Je passe sur toutes les consultations qui eurent lieu entre nous à propos de ce papier froissé que j'avais, par hasard, retiré des cendres. Elles aboutirent à une lettre que reçut l'avocat de George et au retour de George lui-même qu'on rappela de son voyage sur le continent. Nous le vîmes, Miss Garth et moi, aussitôt après son retour, et il fit ce que ni l'une ni l'autre n'avait pu faire. Il expliqua le mystère par suite duquel la contre-lettre se trouvait ainsi cachée sous une triple couche de cendres. Vous saurez que l'amiral Bartram a été sujet toute sa vie à des accès de somnambulisme. On l'avait surpris se promenant endormi peu de temps avant sa mort, et justement à l'époque où de tristes préoccupations hantaient son esprit au sujet de la lettre même que vous tenez. La pensée de George, c'est que l'amiral a dû croire qu'il accomplissait, endormi, ce que la crainte même de la mort ne lui eût pas fait faire à ses heures de veille, à savoir l'anéantissement de la contre-lettre. Peu de temps avant, on avait allumé du feu dans le brasero, et pendant son rêve, ce feu brûlait sans doute encore à ses yeux. C'est ainsi que George s'explique la place étrange où se trouvait la lettre, alors que le hasard me la fit découvrir. Restait ensuite à savoir ce qu'il y avait à faire d'un pareil document, et cette question dépassait un peu les bornes de l'intelligence féminine. Mais je résolus de la comprendre, et j'en vins à bout parce que cette question vous intéressait directement. « À mon tour de la comprendre, si je puis, » dit Magdalène. « J'ai mes raisons pour désirer connaître ce document aussi à fond que vous le connaissez vous-même. Qu'a-t-il déjà produit pour les autres et que doit-il produire pour moi ?»« Mon Dieu, chère Magdalène, quel singulier regard vous lui jetez ! Quel singulier langage vous tenez à son sujet ! Malgré son misérable aspect, ce chiffon de papier vous met en possession d'une fortune. N'aurais-je réellement à cette fortune aucun autre droit que ceux dont m'investit ce papier ? Précisément. Votre unique titre, le voilà. Voulez-vous que j'essaye en deux mots de vous expliquer ce mystère ? En elle-même, au dire des jurisconsultes, la contre-lettre aurait pu donner lieu à contestation. Sauf pourtant que George, aucun doute n'existe pour moi là-dessus, n'eût jamais voulu autoriser un procès pareil. Mais avec le post-scriptum que l'amiral Bartram y avait joint, vous n'avez qu'à jeter les yeux sur les lignes inscrites, page 3, au-dessus de la signature. La contre-lettre constitue pour ses représentants une obligation légale aussi bien qu'un lien moral. Maintenant, je suis à bout de mon vocabulaire technique et réduite à parler ma langue au lieu d'employer celle des avocats. Le résultat final était simplement ceci. Tout l'argent retournait à la masse des biens de Mr. Noel Vanstone. Encore un mot de jurisconsulte. Je suis plus savante que je ne croyais. Et cela, par la simple raison que cet argent n'avait pas reçu l'emploi auquel l'avait destiné Mr. Noel Vanstone. Si Mrs. Girdlestone eût vécu, ou si George m'eût épousé quelques mois plus tôt, c'est précisément le contraire qui en fut résulté. Mais, dans l'état actuel des choses, on a déjà partagé le capital dont il est question en deux moitiés. L'une a été répartie entre les plus proches héritiers de Mr. Vanstone, c'est-à-dire, en bon anglais, entre mon mari et sa pauvre sœur infirme, laquelle a reçu l'argent un beau jour, avec toutes les formalités requises, pour faire plaisir à l'avocat, et l'a rendu le lendemain, le plus libéralement du monde, pour se faire plaisir à elle-même. Voilà ce qui est arrivé de la première moitié du legs. L'autre moitié, cher enfant, vous appartient tout entière. Comme les choses arrivent d'une manière imprévue, Magdalène. 2 ans se sont à peine écoulés, depuis que vous et moi, nous nous trouvâmes orphelines et dépouillées de tout héritage. Or, nous voici, après tout, partageant entre nous la fortune de notre pauvre père. Un instant, Nora. C'est par deux voies différentes que nos deux lots nous arrivent. Comment cela ? Le mien, je le dois à mon mari. Le vôtre ? Elle s'arrêta, toute troublée, et changea de couleur. « Pardonnez-moi, cher enfant, » dit-elle, portant à ses lèvres la main de Magdalène. « J'ai perdu de vue ce qui eût dû rester présent à mon esprit. Je vous ai chagriné sans le vouloir. »« Non, » dit Magdalène, « vous m'avez au contraire donné du courage. »« Donné courage, comment ? Vous allez voir. » À ces mots, elle quitta paisiblement le sofa et se dirigea vers la fenêtre ouverte. Avant que Nora pût la suivre, elle avait déchiré la contre-lettre en 1000 morceaux et jeté ses débris dans la rue. Cet acte accompli, elle revint s'asseoir et posant sa tête sur la poitrine de sa sœur avec un profond soupir qui attestait un véritable soulagement. « Je ne veux rien devoir à ma vie passée, » lui dit-elle. « Je la rejette loin de moi, comme ces misérables lambeaux de papier que je viens de livrer aux quatre vents du ciel. Toutes les pensées, toutes les espérances qui s'y rapportaient, je les dépouille, et pour toujours. « Magdalène, mon mari ne souffrira pas, je ne souffrirai jamais, moi-même que... » Inutile d'achever. Ce que votre mari trouvera juste, Nora, nous le trouverons juste, vous et moi. Je recevrai de vous ce que je n'aurais jamais accepté s'il m'avait fallu le tenir de cette lettre. Le but que j'avais rêvé, nous y touchons. Rien de changé, si ce n'est la position relative que je croyais autrefois nous être promise. Mais cela vaut mieux ainsi, chère sœur, cela vaut mieux, et de beaucoup. Ainsi faisait-elle le dernier sacrifice de la perversité, de l'orgueil qui, jadis, avait été ses guides. Et c'est ainsi qu'elle inaugurait une existence nouvelle, une existence ennoblie. Un mois s'était écoulé. Jusque sur la fange des rues, le soleil d'automne trouvait de brillants reflets. Et les horloges du voisinage venaient de sonner 2 heures au moment où Magdalène revint seule, frappée à la maison d'Aaron's Buildings. « Est-ce qu'il m'attend ? » demanda-t-elle avec une certaine inquiétude à la maîtresse du logis qui était venue lui ouvrir. Il attendait en effet dans la chambre donnant sur la rue. Magdalène, d'un pas furtif, monta l'escalier et vint frapper à la porte. Kirk répondit négligemment et d'un air distrait, supposant cela était clair, que la domestique sollicitait ainsi la permission d'entrer dans la chambre. « Vous ne comptiez pas me voir si tôt ?» lui dit-elle. Arrêtée sur le seuil et tout heureuse de l'étonnement qu'il manifesta, lorsqu'une fois debout, il se prit à la contempler. Les seules traces de maladie qui subsistaient encore sur son visage, ajoutant à la délicatesse de ses traits, en raffinaient, pour ainsi dire, la beauté. Sa robe de mousseline était des plus simples. Aucun autre ornement sur son chapeau de paille que le ruban blanc dont une main économe l'avait garni. Jamais, en ses meilleurs jours, elle n'avait paru plus charmante qu'elle était maintenant. Tandis qu'elle s'approchait de la table où, tout à l'heure encore, il était assis, avec une petite corbeille de fleurs qu'elle rapportait de la campagne, et lorsqu'elle lui tendit affectueusement la main. En l'examinant de plus près, il lui parut inquiet et rongé de soucis. Elle interrompit les questions qu'il commençait à lui adresser pour lui demander si, depuis leur séparation, il était toujours resté à Londres et n'avait pas pris au moins quelques jours pour aller voir ses amis dans le Suffolk. Non. Il était toujours resté à Londres. Ce qui le mit d'ajouter, c'est que le joli presbytère de Suffolk n'avait avec elle aucun de ses rapports, ne gardait d'elle aucun de ses nombreux souvenirs, qui enrichissaient à ses yeux les 4 pauvres murailles d'Aaron's Buildings. Il lui dit simplement qu'il n'avait pas quitté Londres. « Je me demande, » reprit-elle en le regardant avec attention, « si vous êtes aussi heureux de me revoir que je suis heureuse de me retrouver près de vous. » « Peut-être mon bonheur est-il encore plus vif que le vôtre, » répondit-il avec un sourire, « mais je le ressens à ma manière. » Elle ôta son chapeau et son écharpe pour se réinstaller encore une fois dans ce fauteuil de malade qui lui avait si longtemps servi. « Il est certain, » dit-elle, « que la rue est fort laide, et personne, j'en suis sûr, ne contestera que la maison est fort petite. Malgré tout, oui, malgré tout, il me semble que je rentre chez moi. Prenez sur ce siège votre place habituelle et racontez-moi tout ce qui vous concerne. Je veux savoir tout ce que vous avez fait, bien plus tout ce que vous avez pensé pendant que j'étais loin de vous. » Elle voulut reprendre l'interminable série de questions au moyen desquelles elle s'était habituée à provoquer ses confidences personnelles. mais elle les posait avec bien moins de spontanéité, bien moins d'adresse qu'à l'ordinaire. L'anxiété qui la préoccupait au moment où elle avait franchi le seuil de cette chambre n'était pas de celle qui vous laisse votre liberté d'esprit. Après un quart d'heure perdu en questions contraintes d'un côté, de l'autre en réponses données comme à regret, elle finit par aborder de loin le sujet délicat de cet entretien décisif. « Avez-vous reçu les lettres que je vous ai écrites pendant mon séjour au bord de la mer ?» lui demanda-t-elle tout à coup, cessant pour la première fois de le regarder. « Oui, dit-il, je les ai toutes reçues. Vous les avez lues, sans doute. Je les ai toutes lues, et bien des fois. » Le cœur de Magdalène battit à lui rompre la poitrine. Elle avait courageusement tenu sa promesse. L'histoire complète de sa vie, depuis l'époque du désastre de Combraven jusqu'à la destruction de la contre-lettre, avait successivement passé sous les yeux de Kirk. Aucune de ses actions, aucune de ses pensées, rien enfin n'avait été dissimulé. Elle s'était imposée la même bonne foi vis-à-vis de lui dont il aurait usé vis-à-vis d'elle. La résolution jusque-là ne lui avait pas manqué, mais elle reculait maintenant devant la question décisive qu'elle était venue lui soumettre. Si vif que fût en elle le désir de savoir si elle l'avait à jamais perdu ou conquis, la crainte de le savoir l'emportait encore à ce moment. Elle l'attendait tremblante, elle l'attendait sans pouvoir ajouter un mot. « M'autorisez-vous, lui demanda-t-il, à vous parler de vos lettres, puis-je vous dire ?» Si elle l'avait regardé tandis qu'il prononçait ce peu de paroles, elle aurait lu sur son visage ce qu'il pensait d'elle. Elle aurait vu, si peu au courant qu'il pût être de ce qui se passe dans le monde, qu'il connaissait l'inestimable valeur, le noble mérite d'une femme tout à fait sincère. Mais elle n'avait pas le courage de lever sur lui ses yeux qu'elle tenait obstinément fixés sur le tapis étendu à ses pieds. « Pas tout à fait encore, » dit-elle d'une voix faible, « pas tout à fait sitôt après nous être revus. » Elle se leva de son fauteuil avec un certain empressement pour aller s'accouder à la fenêtre. Puis elle revint dans l'intérieur de la chambre et se rapprocha de la table auprès de laquelle il était assis. Les objets de bureau étalés en désordre autour de lui offrirent à Magdalène, pour changer de conversation, un prétexte dont elle s'empara aussitôt. « Vous écriviez donc une lettre ?» lui demanda-t-elle, « au moment où je suis entrée. » « J'y songeais, » répondit-il, « mais ce n'était pas une lettre qu'on put écrire sans y avoir beaucoup réfléchi. » Tout en lui répondant, il s'est élevé pour réunir d'abord et ranger ensuite les menus objets auxquels elle avait fait allusion. « Mais, reprit-elle, je ne suis pas ici pour vous déranger. Qui m'empêche au contraire de vous prêter assistance? S'agirait-il par hasard d'un secret? Mais non, non, pas le moins du monde. » Il ne lui avait pas répondu sans hésitation. Elle devina aussitôt la vérité. « Est-ce de votre vaisseau qu'il est question ?» Il ne savait pas à quel point elle s'était préoccupée, depuis qu'ils étaient séparés, de ces affaires sérieuses qu'il s'imaginait lui avoir complètement dissimulées. Il ne savait pas qu'elle en était déjà venue à se sentir jalouse du navire qui le lui disputait. « Voudrait-on, continua-t-elle, vous faire reprendre votre ancienne existence? Voudrait-on vous renvoyer à la mer? Et faut-il que votre acceptation ou votre refus ait lieu sur le champ? Sur le champ. De sorte que si je n'étais pas venu, vous auriez accepté. » Elle avait, sans le savoir, posé sa main sur le bras de Kirk, oubliant toute considération secondaire dans l'espèce d'anxiété que lui faisait éprouver l'attente de ce qu'il allait dire. Pour lui, l'aveu de son amour était sur le point de lui échapper, mais en ce moment-là même, il sut encore s'imposer silence. « Peu m'importe, pensait-il, ce qui me concerne. Mais quelle certitude pourrais-je avoir de ne pas l'affliger ? » Auriez-vous accepté ? Reprit-elle. J'hésitais, répondit-il. J'hésitais entre l'acceptation et le refus. La main de Magdalène étreignit le bras de Kirk. Un tremblement soudain la parcourut des pieds à la tête. Ce supplice devenait intolérable pour elle. Toute son âme était dans les mots qu'elle vint à prononcer ensuite. Est-ce pour moi que vous hésitiez ? Oui, dit-il. En échange de vos aveux, recevez le mien. J'hésitais à cause de vous. Elle n'ajouta rien, mais elle le regarda. Par ce regard, la vérité se fit jour enfin. Le moment d'après, Magdalène était dans les bras de Kirk et la figure cachée dans sa poitrine, versant des larmes de joie. « Ai-je bien mérité tant de bonheur ? » murmura-t-elle, amenée à cette question suprême. « Oh, je sais bien ce que me répondraient, si je les interrogeais au lieu de vous, les malheureux, qui n'ont jamais vécu, jamais souffert par le cœur. Mis au courant de tout ce qui m'est advenu, ils oublieraient les tentations pour ne se ressouvenir que des fautes. Ils méconnaîtraient ce que j'ai souffert pour ne s'attacher qu'à ce qui les autoriserait à me condamner. Mais vous n'êtes pas de ces gens-là, n'est-il pas vrai ? Dites-moi s'il vous reste l'ombre d'une méfiance, dites-moi si vous doutez que l'unique but, la chère pensée de toute mon existence à venir, ne soit de rester digne de vous. Je vous ai demandé d'attendre pour me revoir. Je vous ai demandé, si quelque vérité pénible devait être dite, de me la faire entendre ici, de votre propre bouche. Dites-la donc, vous, que j'aime, vous, à qui je suis, dites-la moi, maintenant. » Elle avait levé les yeux vers lui, l'étreignant toujours, comme suspendue au suprême espoir de son avenir régénéré. « Dites-moi toute la vérité, » reprit-elle. « Vous voulez l'entendre sortir de mes lèvres ?»« Oui, » répondit-elle avec une ardeur passionnée. « Que vos lèvres me disent ce que vous pensez de moi. » Il se pencha et lui répondit par un baiser. C'est ainsi que s'achève « Sans nom » de William Wilkie Collins.